بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue dans le podcast Revivification du cœur. Je suis musulman lambda. Ce podcast est destiné à la diffusion des principes de l'islam aux francophones. Il s'agit principalement de lectures destinées à être méditées, approfondies et remises en question. Les seuls prérequis étant le respect, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. Honnêteté et dur travail. Le prophète Moïse naquit en Égypte, où il vécut pendant environ 30 ans. Puis, pour une certaine raison, il dut quitter l'Égypte, et après un long périple, atteignit Madian, en Syrie. Alors qu'il se reposait sous un arbre, en périphérie de Madian, un incident très intéressant prit place, lequel fut rapporté dans le chapitre « Les histoires » dans le Coran. Ayant atteint le point d'eau de Madian, il y a trouvé un groupe d'hommes qui le monopolisaient, comprendre se servait en eau. Tandis que deux jeunes femmes retenaient leurs bêtes à l'écart, il leur a dit « Quel est votre problème ?» Elles ont répondu « Nous ne pouvons abreuver notre troupeau que lorsque les bergers en auront fini, et notre père est d'un âge fort avancé. » Moïse a fait alors boire leur troupeau et s'est mis à l'ombre, en disant « Seigneur, j'ai besoin de quelques bienfaits dont tu voudras bien me gratifier. » C'est alors que l'une des deux jeunes filles s'est avancée vers lui timidement et lui a dit « Mon père te demande de venir pour te récompenser d'avoir abreuvé notre troupeau. » Moïse s'est rendu auprès du vieil homme et lui raconta son histoire. Il lui a dit « N'aie plus de crainte à avoir. Désormais, tu es délivré des injustes. » L'une des jeunes filles a dit « Cher père, loue son service. Tu ne pourrais avoir à ton service homme plus fort ni plus loyal. » 28. De 23 à 26. Selon cette histoire, Moïse habita avec ses hôtes de Madian pendant environ 8 ans. Son hôte, Shu'aib, maria sa fille à Moïse. Puis, après 8 années, Moïse quitta Madian et retourna sur sa terre natale, l'Égypte. Ce que cette femme a dit lorsqu'elle demanda à son père d'embaucher Moïse est la meilleure des formules pour réussir dans ce monde. Cette formule met l'accent sur l'honnêteté et le fait de travailler dur. L'honnêteté fait de quelqu'un un membre de la société digne de confiance, et le fait de travailler dur signifie que l'homme est prêt à se dédier à sa tâche. Être fort et honnête sont deux qualités humaines désirables. Fort se réfère à la force physique et honnête se réfère à la force spirituelle. Les deux ont la même importance. Quiconque a ces deux qualités peut être décrit comme étant une personne bien équipée. Ces deux qualités font de quiconque les possède un super réalisateur d'objectifs. Il y a un dicton qui dit « Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes ». Qu'est-ce que s'aider soi-même ? S'aider soi-même signifie prouver que vous avez deux qualités naturelles. L'honnêteté et l'habilité de travailler dur. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a apporté beaucoup de choses positives. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Revivification du cœur et à partager son contenu. À bientôt pour un prochain épisode, si Allah le veut. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager.